Bienvenue, chers auditeurs, dans cette cyber-revue de presse qui se nomme « L'autre monde », une dose de lucidité hebdomadaire pour stimuler la réflexion et inviter à l'action. Nous en sommes à l'édition du 13 février 2012. Et oui, alors c'est la première de « L'autre monde » depuis le retour des vacances du temps des fêtes, de Noël et du jour de l'an. Alors, ça fait quoi, 2 mois déjà? Donc, vous ne rêvez pas, la mission est bel et bien revenue en onde. Je vous remercie de votre sincère patience. J'ai eu 2 mois extrêmement mouvementés pour plusieurs raisons. Je n'étalerai pas tout ma vie privée ici sur l'émission, mais écoutez, ça a été extrêmement mouvementé. Voilà, j'étais dans l'impossibilité de vous revenir en ondes plus tôt, mais nous sommes bien au poste. Alors, évidemment, un tas de trucs s'est produit d'ici ce temps-là, en fait, depuis ce temps-là, devrais-je dire. Et puis, nous allons essayer de parler cette semaine et puis dans les semaines qui vont venir des événements les plus importants là, qui se déroulent sur la scène mondiale. Alors, évidemment qu'il y a énormément, beaucoup, d'événements importants qui se passent. Je manque d'adjectifs. Écoutez, c'est extrêmement mouvementé. Puis ce sont des trucs très importants qui se passent. On est en train d'écrire une page importante de l'histoire. Je ne sais pas si vous en êtes conscient, mais réellement, là, on est en train de passer un moment clé charnière de l'histoire de l'humanité, et puis les choix qu'on va faire vont avoir une grande influence, beaucoup de conséquences sur le futur à court, moyen et long terme, dirais-je. Alors voilà, donc cette semaine nous allons toucher à plusieurs sujets que nous avons sur la table, sur le bureau. Alors, nous allons essayer de parler de tout ceci. Alors, vous savez, si vous êtes des fidèles de l'émission, que même avec 2 heures, on a de la misère à couvrir tout ce qu'il y aurait réellement là, à discuter. Mais il y a des trucs très importants, dont ce qui se passe au Japon avec Fukushima et puis cette catastrophe nucléaire de proportions inégalées. Réellement, c'est le pire accident nucléaire de toute l'histoire de l'humanité réellement, et puis curieusement, comme je l'ai souvent noté dans le passé, les médias n'en rapportent presque rien réellement. C'est épeurant de voir ça, comme si Fukushima n'existait même pas réellement, comme si ça s'était même pas produit, alors qu'on a des développements extrêmement alarmants de semaine en semaine qui continuent de se produire. Alors je vais vous donner plus de détails sous peu. Nous allons aussi nous diriger vers la région du Moyen-Orient. Et Proche-Orient, où on va discuter de la Syrie, l'Iran, la Libye, et puis tout ceci étant connecté avec l'OTAN, les États-Unis, évidemment, Israël. Donc, on va parler de ça. On va parler aussi de la situation préélectorale aux États-Unis, dont particulièrement Ron Paul, qui est carrément censuré, tassé par l'establishment, par les grands médias de la scène. Réellement, c'est incroyable. On parle carrément de fraude électorale, encore une fois, depuis l'an 2000. Cette histoire des machines à voter électroniques et puis de la fraude électorale est endémique. C'est réellement une situation très grave. On ne peut plus parler réellement de démocratie aux États-Unis quand on n'est même plus capable de certifier et puis d'approuver sans faille le système électoral et puis de vote. Alors, on a un grave problème de ce côté-là. Ensuite, il y a aussi le dossier de l'économie et puis du refroidissement climatique qui continue de se développer de semaine en semaine réellement. Donc, beaucoup de trucs comme ça, comme à l'habitude, là, sur l'émission. Alors, voilà, donc nous, on va commencer, comme je vous disais un peu plus tôt, avec le dossier très particulier de Fukushima. Alors, ça, c'est un dossier qui continue d'évoluer, comme je vous disais, et puis malheureusement, dans les médias, ben, on refuse de vous en parler catégoriquement, et puis on prétend que finalement, il n'y a absolument rien qui se produit là-bas. Alors qu'on a des développements qui sont réellement très inquiétants. De quoi s'agit-il? Eh bien, écoutez, on va commencer avec il y a déjà 5 semaines de cela. Alors, on va faire rapidement là un peu une chronologie. Là, on va remonter vers la fin décembre et puis se diriger vers le moment où on en est là au mois de février. On a découvert ici un article qui parle que le plutonium de Fukushima a maintenant fait le tour de la planète. Alors, ça a été publié dans c'est une étude là qui a été publiée dans le journal de la radioactivité environnementale qui confirme que les retombées radioactives du désastre nucléaire de Fukushima ont atteint l'Europe, la Lituanie, et puis ceci inclut le plutonium. Ensuite, il y a des événements qui se sont déroulés aussi. Ça fait 5 semaines de ça. Vous savez, on est rendu quasiment à la date d'anniversaire de la première année de cet événement. Donc, ça fait presque un an maintenant que Fukushima s'est produit. Et on a continué de voir une quantité phénoménale de tremblements de terre qui ont secoué l'île du Japon et particulièrement là, très proche et directement même en dessous du complexe de Daiichi, Fukushima Daiichi, alors où c'est produit cet accident nucléaire de proportions là, réellement très, très, très, très grave. Et puis, ben écoutez, chers amis, il se trouve qu'il y a eu des secousses de tremblements de terre sous le complexe de Fukushima. On a des informations qu'il y a eu des tremblements de terre de l'ordre de 4,2 sur l'échelle de Richter, et puis ça a été rapporté par la USGS qui, en fait, elle n'avait pas ça sur ses sites. Et alors que dans les livres de Fukushima, eh bien, on avait ces tremblements de terre. Alors, il y a eu plusieurs conversations. On a vu des caméras à TEPCO qui ont manqué et puis qui, quand elles sont revenues, eh bien, on avait des lumières très très très fortes qui venaient du réacteur numéro 4, qui était dans un stade très critique. Pendant quelques jours, au début du mois de janvier, et puis. Vous avez aussi TEPCO qui a renvoyé des courriels d'urgence aux médias concernant justement ce stade critique là, du réacteur numéro 4 après justement la nouvelle année. Alors on a eu des niveaux de l'eau qui sert au refroidissement qui ont diminué à cause de l'évaporation de celle-ci, qui normalement prenait 3 heures pour diminuer de 50 mm, alors qu'entre 2 heures et 5 heures de cette journée-là, au début du mois de janvier, elle avait descendu de plus de 240 mm à l'intérieur de 3 heures. Alors, Pour vous faire une histoire courte avec de ça, écoutez, après un tremblement de terre, on a eu des retombées radioactives de Fukushima. Alors, ça s'est produit entre le 2 janvier et le 3 janvier 2012. Et puis, on a eu des enregistrements de 558 becquerels par mètre carré de césium 134 et 137. Alors que les retombées totales de Fukushima au mois de novembre étaient seulement de 347 becquerels par mètre carré pour 30 jours. Alors, vous savez, c'est donc on a eu quasiment le double des retombées en seulement 2 jours au mois de janvier qu'on en a eu au total au mois de novembre au complet. Donc, voyez là qu'il s'est passé quelque chose à Fukushima et puis certains ont suspecté avec plusieurs évidences à l'appui qu'on aurait peut-être assisté à des explosions souterraines ou une certaine réaction nucléaire. On ne sait pas trop en réalité, mais sous les réacteurs, probablement à cause de ce corium, de ce matériel fondu là, qui est rentré en fusion, qui maintenant est en train de s'écouler. Maintenant que ça fait plusieurs, évidemment plusieurs mois que ce matériel-là n'est plus réellement en fusion, il faut se comprendre, mais sauf que avec l'eau qui circule, qui sont dans les sous-sols de ces centrales-là, de ces réacteurs, qui sont, on parle évidemment le combustible des réacteurs nucléaires qui se sont introduits, en fait, qui sont sortis des vaisseaux de, en fait, là, de la capsule hein, qui enferme ce combustible-là dans les réacteurs, s'est échappé de ça. On parle d'un melt-out, melt-through puis un melt-out. Alors, on se retrouve avec du corium qui est probablement à l'extérieur du réacteur nucléaire et qui se retrouve carrément sur la dalle de béton dans les sous-sols et puis qui est en train de rentrer en réaction avec de l'eau et puis de toutes sortes de trucs. Alors, on aurait possiblement eu une de ces réactions-là. Et puis, d'ailleurs, vous avez les niveaux de césium qui ont augmenté de façon très très pointue, très subite après ces tremblements de terre de la nouvelle année. Et on en a mesuré jusqu'à Chiba et d'autres villes tout autour, même jusqu'à Tokyo. Donc on se retrouve avec une situation assez particulière avec le réacteur numéro 4 qui ne contient plus d'eau. On avait évidemment les crayons de combustible qui bouillaient à ce moment-là, le 1er janvier. Le réacteur numéro 4 qui ne peut plus contenir d'eau. On a aussi réussi à faire un trou dans le réacteur numéro 2 et puis on a trouvé des niveaux de radioactivité extrêmement élevés. Donc, écoutez, il y a des milliers de ces crayons de combustible dans le réacteur numéro 4 et là, on se retrouve avec bon une situation là qui continue à se dégrader très rapidement. Ça, c'était dans la cinquième semaine. Alors, vous avez trouvé là un tas d'articles qui vont parler et documenter ces cas-là. On parle ici, écoutez, probablement un cercle là, de 250 km qui pourrait être évacué si le combustible de la fameuse piscine et puis du réacteur numéro 4 venait qu'à fondre. Alors vous avez cette piscine qui est en train de qui ne contient plus finalement son eau et qui est en train de verser sur le côté. Alors ça c'est une situation qui est très grave. Vous devez comprendre qu'on a 1535 assemblages de crayons de combustible. Ça, c'est un scénario qui est très catastrophique. Dans le cas, on se retrouvait avec la fameuse piscine de combustible utilisée là, qui était dans le bâtiment numéro 4. Et on risque de voir ce truc-là soit s'écrouler sur le sol ou de se réchauffer à un point critique parce que, chers amis, on n'est plus capable de refroidir ce matériel-là, étant donné que on n'est pas capable de le contenir. Alors, vous comprenez, la situation, on n'est pas capable de contenir l'eau pour refroidir le combustible. Et puis, rien ne va plus à Daiichi. D'ailleurs, ça, c'est cette semaine qu'on apprend ça. Il y avait le gouvernement du Japon qui avait décrété un arrêt à froid. Alors, il y a quelques semaines, on avait dit, oui, là, c'est tout va bien à Daiichi, Fukushima. On a opéré un arrêt à froid. Pas longtemps après que le gouvernement japonais et puis TEPCO aient déclaré une telle affaire, on se retrouve encore en face d'une catastrophe incontrôlable. Depuis début janvier 2012, l'inquiétude grandit à nouveau car la température monte et puis malgré une injection d'eau beaucoup plus importante dans le réacteur numéro 2, la température pourrait atteindre aujourd'hui, selon le Fukushima Diary, 90 degrés Celsius. Et puis, on doit savoir qu'un arrêt à froid, selon les autorités japonaises, n'a lieu qu'à partir du moment où la température est inférieure à 80 degrés Celsius. Alors, on a les autorités locales de Fukushima qui demandent à TEPCO de fournir des informations heure par heure, preuve que l'inquiétude est vive dans cette montée de température brusque. Alors, on a d'ailleurs aussi, selon Ioraki Koide de la NSC, qui est la Commission de sécurité nucléaire japonaise, qui procéderait actuellement à la distribution de pastilles d'iode stable auprès de la population non évacuée située dans un rayon de 30 km, voire 50 km autour de la centrale accidentée. Donc, il semble qu'une brusque montée de la radioactivité ait précédé cette montée de température. Donc, la situation redevient donc critique à Fukushima. Mais ce n'est pas que l'unité 2 qui a des soucis. Vous avez l'unité 3 qui a montré des signes extérieurs d'activité, comme un panache de fumée ou de vapeur qui s'élève au-dessus de la ruine le 7 février 2012. Et puis, vous avez des vidéos dans un article que je vous invite à aller trouver. D'ailleurs, il va être à la une de sans-papiers aujourd'hui. Aujourd'hui même, en ce lundi, qui s'appelle ça chauffe à Fukushima. Alors, allez voir les vidéos qui sont disponibles. Vous allez voir les montées de fumée qui s'échappent. Et puis ensuite, on voit l'unité 4 avec sa piscine qui fuit. A fait aussi une belle démonstration de réchauffement subi le 6 février 2012. Alors, vous avez différentes sources à aller visiter. Donc, vous voyez le réacteur numéro 2 de Fukushima Daiichi qui chauffe de plus en plus, approche de la limite fixée par les Japonais pour l'arrêt à froid. Donc, on voit que la température de l'unité du réacteur numéro 2 n'est toujours pas maîtrisée par TEPCO. Comme prévu, TEPCO stoppera son dernier réacteur nucléaire encore en production le 26 mars, d'ailleurs. Un tas de liens à les consulter. Ensuite, vous avez des nouvelles fuites qui sont apparues un peu partout là sur le réseau de refroidissement. Donc, vous voyez, là, on a une situation qui s'en vient de plus en plus hors de contrôle. Donc, allez voir ça, là, ça vaut la peine de constater ces trucs-là par vous-même. Vous allez avoir plusieurs articles que je vais mettre en ligne pour vous. On a en Lituanie, on a trouvé des radionucléides qui probablement on pensait en réalité qu'elles venaient de Tchernobyl, mais qui venaient en réalité de Fukushima. Et puis, écoutez, là, ça déjà, ça fait déjà pas mal de nouvelles que les grands médias auraient dû vous rapporter, mais ne l'ont pas fait. Ensuite, on a trouvé d'autres trucs assez spéciaux. On a retrouvé des résidus jaunes métalliques. Alors, on parle ici de fort possiblement là de ce combustible nucléaire qui est en train de s'échapper tout simplement des bâtiments de Fukushima. Il se retrouve autour. Aussi, vous avez de plus en plus d'articles qui parlent des gens qui perdent leurs cheveux. On parle d'animaux, des oiseaux qui naissent déformés. Ça commence, là. Vous allez voir, là, des maladies qui apparaissent. On a retrouvé des problèmes chez la thyroïde de plus de 30% d'enfants dans une des villes proches de Fukushima. C'est assez particulier, là. Vous allez voir ça. On a trouvé aussi une sorte d'animaux marins qui ont été retrouvés morts proches de l'île de Vancouver. Ça a été rapporté par un océanographe. Alors, on parle d'animaux là, qui semblent être affectés par toute cette situation. Alors, ça aussi, ça va être évidemment à suivre. Voilà, on va y aller maintenant dans la semaine 43. Alors là, je venais de vous passer en revue la semaine 42 ici. Vous avez les résidents de Fukushima qui ont senti plusieurs tremblements de terre ressemblaient à des explosions souterraines qui n'étaient pas ressentis comme étant des tremblements de terre normales. Alors, plus d'informations par rapport à ça. Écoutez, vous avez étrangement d'ailleurs aussi des pics de radioactivité à Fukushima jusqu'au Japon en même temps que ces fameux tremblements de terre qui semblent être des explosions souterraines. Assez particulier, vous avez des parties du béton sous la piscine de combustible utilisé numéro 4 qui sont en train de tomber sur le sol. Alors la piscine qui est en train de s'écrouler, réellement de se défaire. Vous avez un article ici qui s'appelle le jour 308. On est passé déjà ça, là, mais c'est l'article. Lorsqu'il a été publié, on était rendu au jour 308. Aux États-Unis et Canada, Europe, les radiations qui viennent de Fukushima. Alors, vous avez des cartes et puis des vidéos à les consulter. Vous allez voir les retombées qui réellement retombent un peu partout à travers la planète. Donc, vous avez vraiment des articles là, assez particuliers. Vous avez un autre ici du NRC dans un courriel du mois de mars qui disait que les parois, les murs de l'unité numéro 4 de cette piscine de combustible utilisée s'étaient effondrés puis qu'il n'y avait pas d'eau à l'intérieur. Alors, vous voyez que réellement, on fait face à une situation réellement là, très grave. La température à ce moment-là, qui avait plus de doublé, avait atteint 100 degrés Celsius. Alors, on dit qu'il y a une très basse possibilité de recriticalité. Alors, on parle de réaction nucléaire ici. On ne veut pas croire à cela, alors qu'on a toutes les évidences qu'il se passe évidemment quelque chose dans ces réacteurs. Un autre avocat ici, japonais, qui déclare, lui, pas un avocat en réalité, c'est une personne du gouvernement, lui qui a déclaré que le gouvernement, il est possible que le gouvernement cache des récentes explosions au réacteur numéro 4. Alors, vous avez toutes les sources ici à consulter. Alors, c'est vraiment inquiétant de voir ça. C'est une des choses là, qui ressortait particulièrement de ces dernières semaines. On dit ici, vous avez des tweets de Fukushima qui disent que les tremblements de terre récents étaient ressentis comme étant quelque chose de différent que de la normale. Et puis, pas à dire s'il y en a bien qui savent c'est quoi que c'est qu'un tremblement de terre, c'est bien les Japonais. Donc, vous avez une série d'articles comme ça là, qui sont à consulter. On parle ici aussi de plusieurs employés de TEPCO qui sont transportés à l'hôpital. Certains reçoivent des traitements, certains d'autres non. Une chose qui est certaine, c'est que ces gens-là sont dissimulés des médias. Alors, peu importe ce qui arrive au travers de TEPCO, qu'ils meurent ou qu'ils soient largement contaminés, qu'ils sont malades, on n'en parle pas du tout. Alors, on parle ici, on parle d'un nuage radioactif qui a été détecté en Australie. Alors, vous voyez que réellement, ça se ramasse un peu partout, là. Ensuite, attendez un peu, je vais regarder ça. Là, on va sauter à la semaine 44. Alors, dans la semaine 44, qu'est-ce qu'on avait? On avait un autre article ici qui parle de ces radiations de Fukushima qui s'étendent à la planète en entier. Alors, ça, c'est l'Université de Berkeley en Californie qui a détecté des niveaux de césium dans le lait de la région de San Francisco au-dessus des limites de l'EPA. Et qui était même plus élevé qu'il y a 6 mois. Alors, vous avez aussi la télévision publique finlandaise qui a déclaré que le césium de Fukushima avait été détecté dans le lichen et puis les champignons et même dans les bois des cerfs et puis des chevreuils et ainsi de suite. En Finlande, en Australie, ben vous avez la Radiation Protection and Nuclear Safety Agency qui a confirmé qu'un nuage de radiation avait atteint la côte est de l'Australie. Vous avez la côte ouest du Canada aussi qui est en train de recevoir les débris du Japon. Alors, les débris du fameux tsunami qui emporte depuis ce temps-là des débris hautement radioactifs à travers l'océan Pacifique qui est en train d'atteindre maintenant la côte ouest du continent nord-américain. Alors, ça aussi, ça a été des nouvelles qui ont fait la manchette dans les réseaux qui sont bien informés sur ce qui se passe à Fukushima. On dit ici que les officiels américains, canadiens et japonais ont planté un coup de couteau dans le dos, ont finalement trahi leurs citoyens par le fait qu'ils ont caché ces fameuses radiations. Ceci revient en fait tout simplement là, une agression ou un meurtre contre ses propres citoyens. Alors, au lieu d'admettre qu'on avait un problème assez sérieux à cause de ces retombées radioactives de Fukushima, bien, on a tout simplement refusé de faire les tests, on a tout simplement caché toutes ces données-là. Et puis, écoutez, seulement quelques mois plus tard, on est en train d'avouer finalement qu'on avait une situation qui était beaucoup plus grave que celle qui était affichée, si vous voulez, par les officiels de nos pays. On parle de cancer de la thyroïde, ici, qui continue d'augmenter. Écoutez, ça, c'est des cas de cancer de la thyroïde qui ont plus de doublé depuis 1997 aux États-Unis. Écoutez, on parle de l'eau du sous-sol, la nappe phréatique est contaminée avec des radiations puis d'autres produits cancérigènes qui sont en hausse. Ces nouvelles informations qui ont été relâchées par la US National Cancer Institute qui estime que 56 460 personnes vont développer le cancer de la thyroïde en 2012 et puis 1780 vont en mourir. On dit que ceci est en hausse fulgurante. Là, en 1997, on avait 16 000 de ces cancers de la thyroïde. Alors, on parle d'une augmentation de plus de 253% en 15 ans, alors que la population américaine n'a augmenté que de 18% pendant cette période de temps. Donc, voilà, écoutez, toutes sortes de trucs comme ça. On parle de ces fameux mouchoirs aussi qui pourraient... en fait, on a trouvé des mouchoirs qui ont été trouvés dans, ça s'appelle Bed Bath and Beyond. Alors c'est une compagnie qui fournissait des genres de mouchoirs et puis ces trucs-là étaient malheureusement contaminés par des radiations. Et puis combien de radiations exactement? Ben écoutez, on disait que de se tenir proche de ça, de ces dispenseurs de mouchoirs pour plus de 30 minutes par jour était l'équivalent d'être exposé à deux rayons X de la poitrine à chaque année. Alors, écoutez, c'est quand même assez incroyable, là. Donc, on a des pics qui sont enregistrés depuis le début de cette catastrophe nucléaire, des pics de retombées de césium à Fukushima et puis un peu partout à travers le monde. Alors, vous avez trouvé énormément... de nouvelles qui font état de cela. Ensuite, on va sauter à la semaine 45. Alors, on approche de notre semaine où on en est. On est rendu à la semaine 46, nous. Alors, on parle ici, ça c'est Associated Press qui parle de l'intégrité du réacteur numéro 4 du fameux bâtiment qui était très inquiétant selon plusieurs experts. On parle d'une possibilité de l'effondrement de cette piscine de combustible utilisé. Ceci pourrait être évidemment beaucoup pire que les trois fusions des autres réacteurs. Pourquoi? Ben parce que ce truc-là contient des tonnes, en fait, environ 1500 tonnes de combustible nucléaire, alors que dans les réacteurs, normalement, on n'en contient que quelques dizaines de ces fameux crayons de combustible, alors que dans cette piscine, on en a quelques milliers. Alors, vous voyez que si ce truc-là est pour foutre le camp à terre, eh bien, on va se retrouver avec une situation du jamais vu sur la planète Terre, là. Je veux dire, c'est certain que le Japon va être condamné et puis on va avoir un sérieux problème pour le futur, chers amis. Ensuite, ben, vous avez les fameux filtres à air HEPA en Californie. HEPA, les fameux filtres HEPA, c'est des filtres très, très performants là, qui filtrent l'air à l'ordre de quelques microns. Alors, c'est fait pour filtrer même jusqu'à les moisissures et puis la suie, et ainsi de suite. Et bien, vous avez de ces fameux filtres à air en Californie qui ont enregistré des niveaux de radiation 538% au-dessus de la normale. OK? Donc, des niveaux de 351 à 538% au-dessus des niveaux environnants, si on veut, le « background levels ». Alors ça, ça a été des tests qui ont été conduits par Enviro Reporter qui ont montré qu'on avait des taux bien plus élevés que les radiations normales là, environnantes et que ceci est fort probablement en provenance du désastre nucléaire de Fukushima. Alors évidemment que ça prouve que la planète entière a été vraiment touchée par ça. On a aussi de ces fameuses conduites d'eau qu'on a installées pour opérer le refroidissement de ces fameux réacteurs qui a gelé à certains endroits durant l'hiver. On a au-dessus de 8,5 tonnes d'eau radioactive qui a fui de la centrale nucléaire de Fukushima. Donc, ces gens-là à TEPCO n'ont pas bien... hiverner, en fait, là, j'ai un terme pour ça, je pense que c'est hiverner, en tout cas, c'est mettre en fait des anti euh, des produits qui empêchent les liquides, en fait, et l'eau de geler durant l'hiver. Alors, des trucs là, qui sont nécessaires pour faire en sorte que l'eau ne gèle pas dans les conduits. Et puis, prendre l'expansion et les faire éclater. Alors, ceci a été mal fait par TEPCO, et puis on a eu plusieurs fractures comme ça de conduits d'eau. Et puis, ben écoutez, chers amis, ça a fait en sorte qu'on a eu plus de 8,5 tonnes d'eau radioactive qui s'est répandue. Alors, c'est pas des farces quand on vous dit que ça va pas bien là-bas, ça va vraiment pas bien. On a même aussi un phénomène sans précédent qui découle du fait qu'on utilisait de l'eau salée dans les réacteurs de Fukushima qui ont formé des nouveaux composés d'uranium qui sont capables de voyager à longue distance, en fait, de se déplacer sur de longues distances. Donc, voyez, là, c'est aussi des trucs qui sont nouveaux, en fait, qu'on n'a jamais rencontrés avant. Et on se retrouve avec des composés nouveaux d'uranium qui semblent prendre encore plus de temps à se décomposer et qui semblent maintenant se déposer dans le fond des océans. Donc, il n'y a absolument aucune donnée sur la rapidité à laquelle ces groupes de peroxyde d'uranium vont se briser, en fait, se défaire dans l'environnement et puis se décomposer. Donc, toutes sortes de trucs comme ça. Vous avez TEPCO qui a annoncé aussi que la radiation émise par Fukushima est 70 millions de becquerels par heure. Alors, ceci est en augmentation. On avait 12 millions le mois dernier. Alors, voyez que on a un grave problème. Ça fait suite aussi au fameux tremblement de terre dont je parlais un peu plus tôt, là, qui se sont produits au début janvier. Donc, vous avez TEPCO qui a admis d'ailleurs que les niveaux de radiation de Fukushima sont en augmentation. Vous avez un opérateur de Fukushima qui a admis qu'on avait plus de 20% d'augmentation dans ces radiations. Ça a été rapporté par GG Press, une des sources de nouvelles les plus importantes au Japon. Vous avez la Tokyo Electric Power Corporation, donc TEPCO, qui a rapporté une augmentation du matériel radioactif qui s'échappe des réacteurs endommagés de Fukushima. Donc, voyez là, une situation absolument alarmante là. Donc, on a aussi des situations de problèmes de réacteurs nucléaires aux États-Unis. D'ailleurs, très récemment, la semaine passée, je me rappelle bien, sur la côte ouest américaine, aussi dans le coin du Michigan. Alors, voyez là, c'est vraiment pas une situation particulièrement intéressante là, ce qui se passe. Donc, d'autres tremblements de terre, vous avez une augmentation ici, vous avez des graphiques là, vraiment assez énervants, là. Vous allez voir des hausses, là, des pics de doses de radiation à travers la région de Tokyo qui ont augmenté suite au fameux tremblement de terre dont je vous parlais, qui a augmenté énormément, là, je veux dire. Ça, c'est bon pour la semaine 45. Écoutez, il y en a énormément, là. Je dis, j'ai 58 pages de liens, là, pour vous dire dans chaque semaine, là. Et puis là, ben, on arrive à cette semaine. Cette semaine, écoutez, ça continue. Un article très grave ici. C'est proche de la rivière Columbia à Washington. Je pense que c'est dans l'État de Washington, si je me rappelle bien, si je comprends bien. Attendez un peu, je vais essayer de voir ça. Ça s'est passé, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis dernièrement. Écoutez, j'ai la misère à le trouver. Là, on dit à Washington, c'est parce qu'il y a l'État de Washington puis il y a la ville de Washington, mais je pense que c'est dans l'État de Washington. Anyway, écoutez, on a retrouvé plus de 89 sievers par heure qui a été mesuré dans le sol proche de la rivière Columbia. Et puis, on parle ici de la pire contamination, seulement que quelques mètres à peine de la nappe phréatique. Et puis, 89 sievers, rappelez-vous que 4 sievers est fatal après quelques minutes d'exposition. Alors, j'imagine que vous n'avez pas trop entendu parler. Ça, c'est les officiels de Hanford qui sont aux prises avec ce problème-là. Alors, voyez que ça va pas mal, pas juste à Fukushima. Vous avez un thermomètre qui, bon, on parlait de ces hausses de température-là un peu plus tôt, là, au début de l'émission, là, quand je vous parlais, c'est en train de se passer à Fukushima en ce moment même. Ensuite, vous avez un article ici qui parle des réacteurs nucléaires de Fukushima qui sont dans une autre fusion, apparemment encore. Ensuite, vous avez les plus hauts niveaux de césium radioactif qui ont été détectés dans le lait de la région de San Francisco en août 2011. On parle qu'on est à maintenant à 150% des maximums limites de l'EPA. On dit que la population des enfants, c'était rapporté par un journaliste de la ABC, qui parle que la population d'enfants de Fukushima a diminué de 6% depuis le désastre nucléaire. C'est une situation des plus significatives et puis qui est complètement absente de la scène médiatique. Donc, vous avez le Chinois qui rapporte qu'on a de l'iode 131 radioactif qui a été détecté en Autriche. Donc voilà, ça continue. C'est très grave ce qui se passe. Les températures continuent d'augmenter. Alors, on n'a pas vraiment d'arrêt à froid tel que déclaré par les autorités japonaises et puis TEPCO. On a des radioactivités qui sont détectées un peu partout, proche des écoles, à Tokyo. Vous avez, selon Bloomberg, TEPCO qui aurait injecté de l'acide borique pour prévenir une recriticalité dans le réacteur numéro 2. Alors, vous voyez que on dit qu'il n'y a pas de problème, on est en arrêt à froid, alors que on pose des gestes concrètement qui prouvent tout le contraire, qu'on est en face d'une recriticalité dans différents réacteurs de Fukushima, ce qui veut dire que on est en train d'assister à d'autres réactions nucléaires non contrôlées. Situation des plus préoccupantes, chers amis. Voyez plusieurs photos, des vidéos. On voit de la vapeur, de la fumée qui augmente, qui sortent du complexe de différents endroits. Vous avez la température qui a doublé dans la piscine de combustible utilisé numéro 3. On parle de 70% de plus à numéro 6 aussi. Vous voyez là. Écoutez, je sais pas quoi dire. Là, je manque de mots. Là, réellement, c'est vraiment. Une situation absolument déplorable. Donc, j'espère que vous comprenez un peu mieux ce qui se passe là-bas. Vous avez plusieurs cartes ici. On voit de l'eau de mer radioactive, là, l'impact que ça a eu dans l'océan, c'est que ça s'est répandu. Vous avez un journaliste japonais qui lui déclare que le gouvernement de Fukushima est en train de domper des tonnes de boue radioactive qui proviennent de la décontamination du site de Fukushima dans la rivière durant la nuit. Alors, ça va pas bien au Japon, chers amis. Ça va pas bien au Japon. Vous avez les plus hauts taux de radioactivité qui ont été détectés à Aichi depuis le 14 mars. Ça, c'est dans la région du Grand Tokyo, aussi dans ces régions-là aussi, ça a augmenté énormément. Donc, on est au mois de février 2012, là. Ok, on s'approche là de la date fatidique du premier anniversaire de Fukushima, et puis la situation est loin d'être sous contrôle, loin d'être sous contrôle. Donc, pendant ce temps-là, ben, vous avez la NRC aux États-Unis qui a approuvé la construction d'un premier réacteur nucléaire depuis 30 ans, avec les mêmes failles dans le design. Des réacteurs de Fukushima qui n'ont pas été arrangés. Alors, vous voyez, là, on n'apprend pas du tout de nos erreurs en plus, ce qui est le plus décourageant. Donc voilà, c'est ça. C'est le dossier de Fukushima. C'est comme ça que ça se passe. nous, on fait une petite pause et puis on va revenir après ça avec d'autres nouvelles pour vous, chers auditeurs. À très bientôt. OK, on est de retour de la pause. Vous venez d'écouter The Dragon de Groundation. Alors, une petite chanson d'à propos, parce que, vous savez, c'était la nouvelle année chinoise il n'y a pas longtemps. Et puis, nous avons débuté l'année du dragon, une des années, en fait, je pense que c'est l'année la plus importante pour les Chinois. C'est une année qui signifie beaucoup pour eux. Et puis les gens vont même essayer de faire en sorte là que leurs enfants vont naître durant l'année du dragon, alors une année importante. Voilà une chanson qui s'appelle Le Dragon, The Dragon. Donc bonne année d'ailleurs à tous les Chinois dans le monde et tous les Asiatiques. Et puis et aussi bonne année à vous, chers auditeurs. Je l'avais fait avant de partir en pause du temps des fêtes, mais je crois bien. Important de le faire à nouveau, alors puisse cette année, cette nouvelle année de 2012 apporter beaucoup plus de conscience et puis nous amener vers la prochaine étape évolutive pour l'humanité réellement. Là. On a plusieurs paradigmes qui sont faux, qui sont mensongers, qui sont en train de s'effondrer. On a plusieurs fraudes des arnaques gigantesques qui sont en train de s'écrouler, mordre la poussière l'une après les autres. Les choses deviennent de plus en plus claires pour la population du monde. Réellement, là, c'est une prise de conscience qui se fait à travers toute l'humanité, disons-le. Les gens prennent conscience que réellement, il y a une dérive, une dérape totale du système et puis de ce qu'on appelle, en parenthèse, les autorités. Les gouvernements, les institutions financières, les banquiers internationaux, les multinationales, réellement, on réalise que tout s'en va, que tout part en couille, et puis on s'aperçoit aussi qu'on nage en pleine fraude, en plein mensonge, double standard, vraiment des deux poids, deux mesures incroyables, et puis il y a un roll-ball général là, qui est en train de prendre place dans la population. Et puis, on est en train d'assister à des choses, à le voir brièvement là, dans le dossier de l'économie dont je vais parler un peu après ceci. Les gens sont en train réellement de se rendre compte que il y a un problème dans à peu près tous les domaines de nos vies, autant social que, on peut dire quasiment même personnel, mais au niveau social surtout, différents domaines, aussi l'environnement, l'économie, ainsi de suite. C'est en train de nous manger vivants, réellement. Là. Les gens s'aperçoivent que le coût de la vie augmente à une vitesse faramineuse. Les gens, certaines personnes comprennent pourquoi, d'autres non. Évidemment que ceci est beaucoup dû au fait qu'on imprime de l'argent comme c'était de l'eau, alors on crée une inflation incontrôlable, c'est sûr, et puis, je veux dire, réellement, nos salaires suivent pas le coût de la vie qui augmente en vitesse vertigineuse. Et puis, parmi ces fraudes, et puis, si on voulait, cette prise de conscience que, réellement, là, on n'a pas de liberté d'expression quand on en vient à parler des vraies choses. On n'a pas réellement de liberté de choisir et de voter quand vient vraiment le temps de choisir un candidat qui plaît à la population, mais qui réellement n'est pas présélectionné par l'establishment. Et puis, un de ces cas les plus clairs et les plus évidents est la saison préélectorale. Les nouvelles présidentielles de 2012 hein, qui s'en viennent cet automne, au mois de novembre, aux États-Unis. Et puis là, on est en train de sélectionner le candidat qui va être à la tête du Parti républicain. Et on a présenté une bonne dizaine de candidats qui étaient tous les uns les autres plus soumis au lobby autant israélien que celui de la défense, hein, du complexe militaro-industriel et puis de Wall Street. Alors, réellement, ce sont des candidats présélectionnés qui ne sont surtout pas là pour effectuer des changements réels et profonds au système corrompu, en fait, dans cette corruption érigée en système qui est devenu réellement là, un cancer généralisé dans toutes nos sociétés, autant nord-américaines qu'européennes, réellement, là, je veux dire. Il y a plus, on peut plus parler de principe de démocratie qui est basé sur la représentation. Réellement, il y a plus personne qui nous représente. On se retrouve avec un gouvernement qui est allié aux forces privées, aux forces des multinationales et puis bancaires contre la population. Réellement, là, on est en train de vider les coffres. On a un personnage qui s'appelle Ron Paul. J'en ai parlé ici sur l'émission dans le passé. Ron Paul, qui est un candidat réellement incroyable, là, si vous allez voir son dossier, son passé, les 30-40 dernières années, alors qu'il était un congressiste américain. Un dossier parfait. Alors, à toutes les fois qu'il était venu le moment de choisir entre la liberté ou la tyrannie, réellement de choisir entre des mesures autoritaires de type État policier ou la liberté aux États-Unis, eh bien, Ron Paul a tout le temps choisi la paix, a tout le temps choisi la liberté, a tout le temps choisi de protéger le peuple. Et puis, rares sont, en fait, très, très, très rares sont les politiciens qui ont un curriculum vitae aussi aussi impressionnant, aussi sans tâche que celui de Ron Paul. Alors, Ron Paul qui comprend très bien ce qui se passe au niveau de l'économie et puis de la politique étrangère américaine, comprend très bien qui contrôle à Washington. Ron Paul qui est le seul candidat qui mettrait une fin immédiate aux guerres d'agression au Moyen-Orient, en Irak, en Afghanistan et ailleurs, les guerres qui ne sont même pas déclarées, mais qui sont des guerres, ni plus ni point, en Somalie, au Yémen, au Pakistan, au Nigeria, dans différentes autres nations africaines et puis du Moyen-Orient. Ron Paul qui fermerait la Fed aux États-Unis, mettrait fin à cette banque centrale, cette fausse banque centrale en réalité, qui est détenue par, et puis qui est en réalité une banque privée, détenue par des banquiers privés, fermerait la CIA et ainsi de suite. Et puis évidemment qu'il est taxé d'extrémisme, de même de terroriste, de n'importe quoi, là, je veux dire, on essaie de le faire passer pour toutes sortes d'affaires. Et puis dans cette course à la candidature au Parti républicain, eh ben on avait différents acteurs comme Newt Gingrich, vous avez Santorum, vous avez Mitt Romney, et on s'est lancé dans cette fameuse course à l'élection pour le Parti républicain. Et vous avez jusqu'à la Cour suprême de l'État de Washington qui a donné son OK, son feu vert pour au candidat en fait pour mentir. Alors c'est assez incroyable. On permet au candidat de mentir. C'est un jugement de la Cour suprême de l'État de Washington. Alors le gouvernement dit qu'il n'a aucune affaire à essayer d'arrêter les candidats politiques de mentir délibérément à propos de l'un et de l'autre dans ses campagnes publicitaires à la télévision, selon un jugement qui a été quand même, disons-le, divisé à la Cour suprême aux États-Unis. Alors, c'est quand même assez incroyable. Vous avez ensuite des résultats très étranges du caucus au Maine qui pointent vers la fraude. Alors, vous allez voir plusieurs articles que je vous ai laissés en lien où on fait état de toutes sortes de situations réellement plus ou moins évidentes. Il y en a qui sont moins évidentes, il y en a qui sont carrément dans notre figure, où on voit que on a un problème avec les votes, OK? Les votes ne sont pas comptés de façon appropriée, ou les votes sont comptés en secret, dans des endroits clos, ou les votes sont comptés par des machines à voter électroniques, dont on ne peut pas vérifier les résultats de façon indépendante. Alors, comment croire à une élection libre si on n'est même pas capable de prouver que ces résultats-là soient véritables? Si un gouvernement ne peut pas prouver la précision, l'honnêteté de ces élections, par lesquelles l'autorité, ces gens-là, ce gouvernement, peuvent réclamer cette autorité sur le peuple, eh bien, le peuple n'a pas moralement ni légalement une obligation d'obéir à ce gouvernement, de payer ses comptes et ou d'envoyer ses enfants mourir dans des guerres du gouvernement. Vous avez une fraude officielle ici, dans les votes au Nevada. Vous avez plusieurs articles et vidéos ici qui font état de des votes de personnes qui étaient mortes. Alors, on a fait voter des morts, imaginez-vous donc, puis pas juste quelques-uns, là. On parle ici de plus de 900 voteurs qui sont morts. Ça s'est passé en Caroline du Sud. Alors, on voit qu'on est en train de trafiquer les votes. Pourquoi? Ben, pour pas que Ron Paul soit élu comme étant le chef du Parti républicain. Parce que Ron Paul, évidemment, ne fait vraiment pas l'affaire de l'establishment américain, de ceux qui contrôlent le pouvoir à Washington. Alors que Ron Paul remporte l'un après l'autre la grande majorité des sondages populaires, qui sont d'ailleurs même trafiqués. Vous allez voir les preuves de ça avec différents articles qui font différentes prises de vue là, des statistiques de Google, ainsi de suite. Ou quand on a des votes populaires sur différents réseaux de médias et qui vont sans équivoque dans le sens de Ron Paul, eh bien, on les arrête, on les enlève simplement, on les censure. Puis ça, c'est pas des farces, là, c'est pas des histoires de conspiration que je vous dis. Là, vous avez plusieurs liens d'articles, là, vous avez toutes sortes d'articles qui font état de ça. Ça s'est réellement passé. On fait voter des gens qui sont morts. C'est assez incroyable, là. 953 votes ici de personnes mortes qui ont été faites. Alors, c'est quand même assez incroyable. Des votes de gens qui sont morts depuis jusqu'à 6 ans. Alors, on se retrouve avec des fausses élections aux États-Unis. Alors, comment croire quoi que ce soit qui se déroule là-bas réellement quand on n'est pas capable de prouver que les élections sont véritables et justes, n'est-ce pas? Rappelez-vous ces paroles très sages de John F. Kennedy qui disait que ceux qui font que la révolution pacifique est impossible font en sorte qu'une révolution violente est inévitable. Donc, les résultats du vote de la Caroline du Sud sont invalides. Vous avez l'establishment républicain qui exclut Ron Paul du CPAC de 2012. Alors, on voit ici que on est en train d'exclure Ron Paul carrément de ces événements-là. Des conférences du CPAC où vont apparaître Mitt Romney, Newt Gingrich, qui vont être des conférenciers important, alors que le nom de Ron Paul n'apparaît nulle part sur la liste des invités. Vous avez les quartiers généraux de Ron Paul qui ont été attaqués récemment. D'ailleurs, je vous conseille fortement un documentaire là, que je vais vous mettre là souligné en jaune, là, qui s'appelle Hacking Democracy, Full Length. Alors, pour ceux qui parlent anglais, j'espère en tout cas que certains d'entre vous en comprennent assez pour comprendre ce documentaire-là, qui vous montre comment que justement on utilise ces machines électroniques pour hacker la démocratie. Ah, hein, carrément, je veux dire, on change les résultats. George Bush qui a été élu de façon frauduleuse deux fois. Et puis, on continue de se servir de ces mécanismes-là pour s'assurer que Ron Paul ne remportera pas la candidature du Parti républicain. Donc, j'ai laissé plusieurs liens aussi qui vous montrent Ron Paul là, qui gagne dans les sondages, 58% ici. Adelson, dans un caucus d'Alderson. Alors, vous voyez que c'est quand même assez incroyable quand vous voyez là des nuances importantes là à voir. Quand les votes sont comptés publiquement, Ron Paul, curieusement, gagne quasiment tout le temps. Et puis, partout où les votes ne sont pas comptés publiquement, donc en privé, alors vous avez Mitt Romney ou les autres qui gagnent. Assez particulier quand même. Puis là, j'ai laissé un paquet d'articles assez particuliers aussi. Vous avez ici Romney, un supporter de Romney, Mitt Romney, qui admet être payé sur vidéo. Puis, vous avez toute cette histoire aussi de Rand Paul, qui est le fils de Ron Paul, qui, lui, a condamné cette histoire de la sécurité dans les aéroports là, par la TSA. J'en ai souvent parlé ici aussi à l'émission. Ces contrôles de sécurité qui ne sont plus des contrôles de sécurité, mais tout simplement d'intimidation grave de la population. Là. qui a déclaré que l'État policier était en train de grandir et puis de devenir hors de contrôle dans ce pays. Ron Paul a déclaré ça. A même promis d'éliminer la TSC s'il était élu. Et puis, vous avez son fils, Rand Paul, qui a été détenu par le TSC, alors que les médias corporatifs ont essayé même de couvrir cet événement-là. Vous avez plusieurs articles par rapport à ça, c'est assez incroyable. On a arrêté Rand Paul à l'aéroport comme ça. Les agents de TSC qui ont gueulé après lui ont fait sentir comme s'il était détenu. Alors, on a essayé de l'intimider. La Maison Blanche, qui s'est tenue du même côté de la TSC, les ont défendus. Vous avez des vidéos de sécurité ici qui vous montrent ceci. Alors, on essaie d'intimider tous ceux qui sont contre l'establishment. Alors, vous voyez là, réellement, là, c'est vraiment dirty politics, la politique très sale à laquelle on est en train d'assister. Vous avez même le congressionniste qui a créé la TSC qui veut maintenant l'abolir. C'est le républicain John Mica qui maintenant regrette d'avoir créé la TSC. Vous savez, le chef de la CIA qui d'ailleurs endosse Ron Paul. Vous avez Fox News qui a déclaré que Ron Paul est la plus grande menace à Barack Obama, non, et non Mitt Romney. Et là, vous avez différentes nouvelles aussi, un peu dans ce même style-là, ailleurs dans le monde. Je tiens à vous en faire état. Vous avez ici ce candidat français, lui, qui déclare que ses adversaires, ses pires adversaires, en réalité, sont les banquiers. Il veut démolir, en fait, sectionner, si vous voulez, les plus larges, les plus importantes banques françaises. Il s'agit de François Hollande, un candidat pour le Parti socialiste en France. Alors, lui a proposé le 22 janvier des réformes importantes du système financier européen et français pour combattre la spéculation et puis restaurer la croissance. Alors, voyez, ça continue un peu comme ça, alors qu'on a des politiciens pourris. Vous avez, aux États-Unis, c'est assez grave. Obama qui a carrément floué la loi, la Constitution américaine, à Guantanamo. Il devait fermer cette installation et puis ça n'a pas été fait. C'est incroyable. Alors, vous avez le chef des droits humains aux Nations Unies qui, lui, a déclaré que les États-Unis flouaient la loi internationale à Guantanamo Bay. Il dit que, vous savez, on a célébré le 10e anniversaire. Ben, célébré. C'était un triste anniversaire, la 10e année depuis que le gouvernement américain a ouvert la prison à Guantanamo. Et puis maintenant, ça fait 3 ans depuis le 22 janvier 2009 que le président avait ordonné la fermeture à l'intérieur de 12 mois de cette installation. Et puis en 2012, eh bien, cette installation continue toujours d'exister. Des individus en sont tout le temps détenus de façon arbitraire et indéfinie. Et ceci est en claire violation de la loi internationale, a déclaré M. Navi Pillay. Alors, bon, vous avez des activistes qui ont marqué cette première décennie de Guantanamo avec la torture qui y est pratiquée, alors ainsi que toutes les autres sites, les black sites qu'on les appelle de la CIA, comme à la prison de Bagram, et ainsi de suite. Vous avez une multitude de prisons secrètes comme ça réparties à travers la planète qui sont opérées par la CIA, des sites noirs où on torture, en particulier la torture. Alors, on revient à ces politiciens corrompus. Alors, on ne veut pas que les gens aux États-Unis choisissent Ron Paul. Alors, on essaie de le pousser sur les côtés. Et puis, voyons voir maintenant les autres candidats qu'on essaie de vendre aux Américains. Vous allez voir que ce sont tous des gens salement corrompus, des gens qui sont là pour trahir le peuple américain. Vous avez Mitt Romney qui était à la tête de Bain Capital, une compagnie qui opérait dans le marché des produits dérivés, qui a fait énormément de profits en rachetant puis en fermant une multitude de compagnies à travers le monde, donc en créant énormément de chômage, de pertes d'emploi. Alors, Mitt Romney qui a fait une fortune, on parle de 342 millions de dollars en faisant faire banqueroute à des compagnies qui l'achetait et puis qui ensuite démontait. Alors, on a un cas ici de 850 Floridiens en Floride, donc des gens qui ont perdu leur emploi suite à ça. Mitt Romney qui collecte plus de donations que quiconque et celles-ci viennent des 5 plus larges banques des États-Unis. Alors, plus que il reçoit plus de donations, en fait de dons. De ces 5 plus larges banques américaines que tous les autres candidats combinés. Alors, voyez. Et puis Mitt Romney qui va recevoir la protection des services secrets. Alors, une autre façon de signaler que Mitt Romney est un candidat choisi par l'establishment. Ensuite, vous avez Newt Gingrich qui est en train, lui, de manger la poussière et d'être complètement